lu par Plume d'encre pour audiocité.net. ABC, petit conte, de Jules Lemaître. Préface de Myriam Harry. Jules Lemaître a beaucoup aimé les enfants. Il eut lui-même, lorsqu'il fut professeur à Grenoble, une petite fille Madeleine qui mourut au bout d'un mois et dont il ne se consola jamais. Plus tard, il devint un parrain multiple et délicieux. Tout le monde connaît les contes charmants écrits pour ses filleuls, comme Les idées de Liette, Les amoureux de la princesse Lily, cette étrange petite fille de Bagdad, et celui, en marge des contes de Perrault, Le lapin blanc et les trèfles à quatre feuilles. À Paris, dans son grand atelier de la rue d'Artois, tapissé de l'or pâli des précieuses reliures, Jules Lemaître se plaisait à recevoir des enfants, les comblait de gâteaux et de sucreries, et ouvrait pour eux un bahut mystérieux de sa bibliothèque qui répandait alors sur le tapis les jouets les plus inattendus, collectionnés avec presque autant d'amour que les livres. C'est ainsi qu'il fut amené à écrire un alphabet. Il le commença l'été de 1913 à Royan, où il fit un assez long séjour. Il en chercha les sujets en se promenant à petits pas, car il était déjà très essoufflé, entre les pins et la mer. Et le soir, il racontait ses contes pour les essayer, à ses neveux, riant avec eux, ou disant, déçu quand il restait indifférent, « Oh, c'est ironique et trop bref !» Ah, comme les peuples primitifs, les enfants détestent l'esprit et adorent les détails. Bon, alors amplifions avec simplicité. Et le lendemain, il recommençait son conte. Une de ses dernières joies en mai 1914, alors que le médecin lui avait défendu tout travail inventif, fut de recopier lui-même, d'une écriture de plus en plus menue et immatérielle, les contes enfantins. Il en reçut les épreuves à Tavers fin juillet. Déjà, la cécité verbale l'avait accablé. Il regarda mélancolique les images, puis dit avec un navrant sourire « Je vais réapprendre à lire dans mon propre alphabet. » Quelques jours plus tard, la guerre survint et Jules Lemaître eut une crise cardiaque qui devait l'emporter. Cependant, il songea à me recommander la correction des épreuves et par un scrupule excessif me chargea d'indiquer que tous les contes n'étaient pas entièrement de son imagination, mais qu'il s'était inspiré parfois d'Andersen, de Florian et même comme pour le bélier du chanoine Schmitt. La guerre suspendit la publication de l'alphabet. Aujourd'hui, seulement la maison MAM offre aux enfants, illustrés par Job, ce dernier livre de leur grand ami, qui a su conserver jusqu'à la fin son âme tendre et puérile. A comme Anne. Il y avait dans un village une pauvre vieille femme qui n'avait pour toute compagnie qu'un petit âne. Elle l'aimait beaucoup, car il était intelligent et bon, et il paraissait content de porter sur son dos les légumes du jardin au marché de la ville. Mais de méchants garçons se moquaient de la vieille femme et de son petit âne quand ils la rencontraient. Un jour, ils crièrent à la vieille femme. « Eh, bonjour, la mère Anne !»« Bonjour, mes fils !» leur répondit-elle. L'âne eut l'air de se moquer d'eux à son tour en remuant ses oreilles, et les méchants garçons ne trouvèrent plus rien à redire. B comme bélier. Berthe était une petite fille très étourdie qui laissait toujours les portes ouvertes. Sa mère, qui était une fermière, la grondait souvent, car pendant l'absence de Berthe, les chiens, les poules et même les petits cochons salissaient tout. Mais Berthe ne se corrigeait pas de son étourderie. Un jour que sa mère était au marché, Berthe alla jouer dans le jardin en oubliant, selon son habitude, de fermer la porte. Le bélier de la ferme s'échappa de la bergerie et entra tranquillement dans la maison. Comme il ne trouva personne en bas, il monta par l'escalier au premier étage, où il y avait la belle chambre des parents de Berthe avec une armoire à glace. Quand le bélier vit son image dans cette glace, il crut que c'était un autre bélier et il le menaça de ses cornes. Mais l'autre fit le même mouvement. Furieux, il se dressa sur ses pattes. Mais il se dressa aussi. Alors le bélier se jeta de toutes ses forces contre la glace et la brisa en mille morceaux. Puis il descendit l'escalier et quitta la maison, très fier d'avoir mis l'autre bélier en fuite. Le soir, Berthe fut sévèrement punie par sa mère, et je vous jure qu'elle ne laisse plus les portes ouvertes. C'est comme canard. Une canne couvait une douzaine d'œufs qu'on avait mis sous elle. 11 de ces œufs ressemblaient à tous les œufs de canne, mais le 12e était plus gros et d'une espèce différente. La canne était très fière de cet œuf. Elle le montrait à toutes les voisines qui venaient la voir et elle disait « Voyez comme il est gros. Je suis sûre qu'il en sortira un superbe caneton. » Au bout de quelque temps, la mère canne entendit, dans l'intérieur des 11 œufs ordinaires, des petits coups de bec, puis des pépiments. Puis elle vit sortir des coquilles 11 petits canards charmants, habillés de duvet jaune. Mais le 12e œuf tardait à éclore. Et bien que cela inquiétât un peu la mère, elle se disait « Oh, l'enfant n'en sera que plus beau !» Et patiemment, elle se remit à couver. Mais quand enfin l'œuf éclata, la pauvre mère fut épouvantée. Ce n'était pas du tout un superbe caneton, mais un vilain petit animal, avec un cou trop long, un corps trop gros, et qui marchait les pattes en dedans, sans aucune élégance. Les 11 frères et sœurs se moquaient de lui, et la mère elle-même, quand elle conduisait ses enfants à la mare, avait honte de lui, parce que tout le monde disait sur son passage « Oh, mais voyez donc ce vilain petit canard !» Ah, personne ne voulait jouer avec lui, et le pauvre petit fut bien malheureux. Il tendait son cou trop long vers le ciel, comme pour dire « Mais pourquoi suis-je né ?» Ou bien, le rabattant tristement le long de son corps, il restait à rêver dans un coin. Un jour que les autres l'avaient tous pillé plus que de coutume, il prit le parti de quitter sa famille. Il marcha longtemps devant lui et arriva près d'un lac où nageaient des cygnes. « Ah !» dit le vilain petit canard, « que ces oiseaux sont beaux !»« Ah ben pour sûr, ils me chasseront, je suis bien trop laid !» Et il se disposait à se retirer, lorsqu'une grand-mère cygne, qui se reposait sur la rive, l'interpella. « Hep, mon enfant, mais d'où viens-tu ? Et comment t'appelles-tu ? » « Oh, je viens de la basse-cour, madame. » Et je m'appelle Canard. Je suis partie parce que mes camarades me trouvent trop laid et ne veulent pas jouer avec moi. Oh, pauvre petit, dit la grand-mère. Le fait est que tu n'es pas bien jolie, mais cela vient de ce que tu es fatiguée et triste. Bon, attends un peu que je t'examine. Tu me rappelles un petit-fils que j'ai perdu. Oui, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu n'es pas du tout un petit canard. Tu es bien un cygne. C'est la fermière qui a dû glisser un de nos œufs parmi les œufs de canne. Et celle que tu as prise pour ta mère n'était que ta couveuse. Pauvre petit orphelin, allez, viens sur mon cœur. Puis, la grand-mère appela tous les autres cygnes et elle leur raconta l'histoire du vilain petit canard. Bon, il n'est pas si vilain que ça, dirent les cygnes. Et un monsieur cygne, avec un magnifique plastron blanc et de beaux pieds vernis, déclara « Eh bien qu'il reste parmi nous. Et dans 3 mois, je lui donne ma fille en mariage. » D comme demoiselle. Savez-vous ce que c'est qu'une demoiselle? Une demoiselle est une longue et jolie mouche qui habite près des ruisseaux et des étangs sur une feuille de nénuphar. On l'appelle demoiselle parce qu'elle a la taille fine, un corselet de satin vert, des ailes aussi délicates que la mousseline de vos robes, et parce qu'elle se pose souvent au bord de sa feuille pour se regarder dans l'eau, comme les vraies demoiselles se regardent dans leur miroir. E comme escargot. Il y avait une fois un monsieur et une madame escargot qui vivaient sur un chou. Ils étaient gros, gras et luisants, et ils auraient pu être heureux, mais ils n'avaient pas d'enfants et cela leur manquait beaucoup. Un jour, vint à passer près de leur chou un pauvre petit escargot maigre qui leur demanda l'aumône. Ils le questionnèrent et ils apprirent qu'il était orphelin. Aussitôt, Madame Escargot, tout attendrie, dit à son mari « Et si nous l'adoptions ?»« Ah, j'allais te le proposer, » répondit Monsieur Escargot. Et il sortit presque entièrement de sa maison pour embrasser son nouveau fils. En peu de temps, le petit escargot devint gros, gras et luisant. Alors, la mère escargot dit au père escargot « Mon ami, il faut marier notre fils. Il faut lui chercher une jolie fille de notre monde afin que nous ayons de beaux petits-enfants. » « Ah, j'allais te le proposer, » répondit le mari. « Mais à qui nous adresser pour cela ?»« De mon balcon vert, » dit Madame Escargot, « je vois le peuple des fourmis. » F comme fourmi. « Le peuple des fourmis, » dit Madame Escargot, « est un peuple actif qui va et vient sans cesse sur les routes de France et qui doit connaître beaucoup de gens et être au courant de beaucoup de choses. » Nous allons demander aux fourmis si elles ne connaîtraient pas une jeune fille digne d'épouser notre escargoton. « Ah, mais j'allais te le proposer, » dit le père escargot. Et il descendit de son balcon avec sa femme pour interroger les fourmis. Les fourmis répondirent « Ah, ben justement, nous avons ce qu'il vous faut. À quelques mètres d'ici, dans le trou d'un vieux mur, vit une demoiselle escargot de la plus jolie coquille, dont on a dernièrement fait cuire les parents. La pauvrette est toute seule au monde. Eh bien, elle ne restera pas seule longtemps, s'écrièrent ensemble monsieur et madame Escargot. Allez, je vous prie, la demander en mariage pour monsieur notre fils. » Les fourmis se mirent en route et arrivèrent près du vieux mur où l'orpheline pleurait ses parents qu'on avait fait cuire. Elle fut si heureuse de la proposition qu'elle accorda tout de suite sa main, même sans le connaître, au fils adoptif des vieux escargots, et qu'elle se mit en marche en bavant de joie tout le long du chemin. Mais elle n'avançait pas vite. Alors, les fourmis fabriquèrent avec des brins d'herbe une chaise à porteurs qu'elles chargèrent sur leurs épaules. Et c'est ainsi que la pauvre orpheline arriva, après plusieurs jours, au chou de ses beaux-parents et dans les bras de son fiancé. G comme gâteau. On avait donné à deux enfants un gros gâteau et un petit, en leur disant « Eh bien, partagez !» Les deux enfants étaient une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 ans. « Tiens, dit la petite fille, prends ce joli petit gâteau. Moi, je mangerai ce vilain gros. »« Eh bien, moi, j'aime mieux le vilain gros, » dit le petit garçon. « Bah, enfin, mais puisqu'il est vilain. » »« Oui, mais il est plus gros. » H comme hirondelle. Tout le monde sait que les hirondelles s'en vont l'hiver dans les pays chauds et ne reviennent qu'au printemps. Pour faire ce long voyage, les mères hirondelles rassemblent leurs petits autour d'elles. Mais une pauvre petite hirondelle, qui était tombée du nid un jour de grand vent, boitait encore un peu et ne put pas s'envoler avec ses frères et sœurs. Elle resta tristement au bord du toit, d'où elle vit s'éloigner sa famille, et elle serait certainement morte de faim, de froid et de chagrin si les enfants de la maison ne l'avaient recueillie. Ils la mirent dans une cage à côté du poêle. Ils la nourrirent de mouches et de vers, si bien que l'hirondelle était en très bonne santé et ne boitait plus du tout au retour du printemps. Et quand les parents de l'hirondelle revinrent des pays chauds, les enfants ouvrirent la cage. La petite hirondelle reconnut sa mère et avec des cris de joie, elle se jeta dans ses ailes. I comme ibis. Dans la basse-cour d'un château se trouva, parmi toutes sortes de volailles, un ibis rose. Il avait été rapporté d'Égypte par le fils de la maison qui était grand voyageur. Au commencement, on eut beaucoup d'égards pour ce noble étranger. Aussitôt que l'ibis déployait ses ailes, les pigeons roucoulaient. « Ah, que c'est beau ! On dirait des pêchers en fleurs !» Les poules admiraient la courbe élégante de son bec. Les canards, qui sont si bas sur pattes, regardaient avec envie les longues jambes de l'ibis, qui semblaient peintes au ripolin rose. Flatté, l'ibis marchait de long en large. Il leur parlait de sa patrie, l'Égypte, du Nil, des autruches, des pyramides et des minarets du Caire. D'abord, on l'avait écouté avec respect, mais peu à peu, on trouva qu'il racontait toujours la même chose. Le dindon disait avec colère : « Oh, mais quel rabâcheur !» La pintade se moquait de son nez d'ivrogne, et un caneton poussa l'impertinence jusqu'à lui demander combien les baguettes qui lui servaient de jambes lui avaient coûté le centimètre. Alors le pauvre ibis rose se retira dans un coin, et il se tenait tout raide sur une patte, rêvant de son pays, du Nil, des pyramides et des minarets. J comme jouet. Un petit garçon de la ville, Robert, avait des jouets à mécanique très chers qu'il fallait toujours remonter, qui se cassaient très souvent et qui ne l'amusaient pas du tout. Un jour, il rencontra un petit garçon de la campagne, Mathieu, à qui ses parents ne donnaient pas de jouets, mais qui fabriquait lui-même des sifflets, des canons ou des pompes avec du sureau, des noyaux d'abricots et des pailles. « Oh, ben que c'est joli et amusant !» dit Robert. « Apprends-moi comment tu fais !» Mathieu le lui apprit. Robert vendit à une vieille marchande de bric-à-brac ses jouets mécaniques devenus inutiles, et avec les sous qu'il en retira, il acheta des gâteaux que les deux enfants mangèrent de grand appétit. K comme kangourou. Du temps où les kangourous vivaient dans le paradis terrestre, leurs pattes de devant étaient aussi longues que celles de derrière. Mais à cause de cette longueur de leurs pattes, les kangourous étaient devenus extrêmement voleurs. Ils n'avaient qu'à étendre le bras pour attraper les branches et cueillir les plus beaux fruits qu'ils enfouissaient ensuite dans la grande poche qu'ils portent sur le ventre. Ainsi, ils dépouillaient les arbres du paradis. Les autres bêtes, qui ne pouvaient pas en faire autant, se plaignirent au bon Dieu. Alors le bon Dieu fit venir devant lui les kangourous, et pour qu'il leur fût plus difficile de voler les fruits, eh bien, il leur raccourcit les pattes de devant. Depuis ce temps-là, les kangourous ont ces moignons que vous voyez sur l'image, et la poche de leur ventre ne leur sert plus que pour y cacher leurs petits. Elle comme loup. Quand le loup eut mangé les 6 petits biquets, il se sentit le ventre si lourd qu'il alla faire un somme derrière le puits. Il avait oublié de manger le 7e petit biquet qui s'était caché sous le lit. Aussi, quand la mère chèvre revint du marché avec un panier au bras, ce fut ce petit biquet qui lui apprit que le loup avait mangé ses 6 petits frères. « Oh, mes enfants, mes chers enfants !» chevrotait la chèvre en essuyant ses yeux avec un coin de son tablier. Mais, retrouvant son courage, elle prit son dernier nez par la main et se mit à la recherche du loup. Oh, elle ne fut pas longtemps à le trouver, qui dormait sur ses deux oreilles derrière le puits et qui ronflait de toutes ses forces. « Attends, brigand !» dit la mère chèvre, « tu vas voir !» En tirant de son panier un couteau de cuisine, d'un seul coup, elle fend le ventre du loup dans toute sa longueur, et les 6 petits biquets sautent au cou de leur mère. Car le loup les avait avalés si goulûment qu'il n'avait pas pris le temps de les mâcher, et qu'ils étaient encore en vie. La chèvre et les biquets rirent et pleurèrent ensemble un instant, puis la mère dit « Ce n'est pas tout, allez vite me chercher 6 grosses pierres. « Je vais les mettre à votre place dans le ventre du loup et je lui recoudrai la peau. Comme cela, il ne s'apercevra de rien à son réveil. » Quand tout fut terminé, la mère et les enfants allèrent se cacher pour voir ce que ferait le loup. Au bout d'un moment, il se réveilla, se frotta les paupières, puis se tâta le ventre. « Oh, comme il est dur » grogna-t-il. « Sans doute, je n'ai pas bien digéré. Ah, je sais, j'ai oublié de boire. » En se levant, il alla vers le puits. Dans son ventre, les 6 pierres faisaient un bruit étrange. Bah, « Je ne sais vraiment pas ce qui cogne comme cela dans mon ventre, » dit le loup. Et il se pencha pour boire. Mais ce mouvement précipita les pierres l'une sur l'autre dans l'estomac du loup. Et leur poids l'entraîna en avant. Et ainsi, le vieux brigand tomba la tête en bas dans le fond du puits. Alors, la chèvre et ses 7 petits dansèrent autour du puits une ronde très joyeuse. M comme moineau. Dans un champ de millet, les moineaux venaient picorer les épis.

Il y avait une fois un prince qui voulait se marier. Il voulait épouser une princesse, mais aucune de celles qu'on lui présenta ne lui parut assez princesse. Or, un jour d'orage, on sonna à la grille du château. Le roi alla ouvrir lui-même et il trouva devant la grille une jeune fille dont les vêtements étaient trempés, les cheveux défaits et les souliers couverts de boue. Elle avait presque l'air d'une mendiante. Mais quand le roi lui demanda qui elle était, elle répondit qu'elle était une princesse. Le roi la fit entrer au château. « Eh bien, nous allons bien voir si c'est une princesse, » pensa la reine. Elle ordonna aux servantes de préparer un lit pour la jeune fille, mais de mettre un poids sous les 20 matelas qui composaient ce lit. Le lendemain, la reine demanda à la jeune fille comment elle avait dormi. « Oh, très mal, » répondit-elle. « Il y avait je ne sais quoi de dur et de rond dans mon lit. J'en ai des bleus sur tout le corps. » « Quel bonheur !» pensa le prince qui avait écouté derrière la porte. « Pour avoir la peau si fine, il faut bien que ce soit une véritable princesse. » Et tout de suite, il lui demanda sa main. Que comme que. Une famille de rats habitait dans une cave remplie de marchandises. Ah, les rats s'y trouvaient fort bien, car il y avait beaucoup de choses bonnes à manger. Surtout du savon et de la chandelle. Il y avait aussi des tonneaux et des barils. Bon, on ne savait pas ce qu'ils contenaient. Mais un jour, la mère rat découvrit un tonneau dont la bonde était partie. Elle flaira, puis elle plongea sa queue dans le trou et la retira pour goûter. « Quelle chance !» s'écria-t-elle. « C'est du sirop de groseille. Allez vite, vite, mes petits, venez vous régaler !» Mais les ratons glissaient sur le ventre du tonneau et ne pouvaient arriver au sommet. Restés en bas, ils pleuraient de dépit et de gourmandise. Alors la mère rat eut une idée. Elle alla de nouveau plonger sa queue dans le trou, puis quand sa queue fut bien imbibée de sirop, elle courut au bord du tonneau et se retournant, elle la laissa pendre. Les ratons, en se haussant sur les pattes de derrière, purent l'atteindre et chacun à son tour lécha le bout de la queue, comme si c'était un sucre d'orge. 20 fois, 100 fois, la mère rat alla de la bonde au bord du tonneau. En quelques jours, eh bien, il fut à moitié vide, et la queue de la mère rat n'était plus assez longue pour tremper dans ce qui restait de sirop. Mais un peu plus loin, il y avait un autre baril qui était à moitié défoncé. « Oh, ce sera encore plus commode, » se dit la mère rat. Et sans prendre la précaution de flairer, elle plongea sa queue au fond du tonneau. Mais quand elle voulut la retirer, elle poussa un cri de douleur. Sa queue ne venait pas, sa queue était collée, sa queue s'était enfoncée dans un tonneau de glu. R comme rossignol. L'empereur de Chine avait dans son jardin un rossignol qui s'appelait Bulbule et qui était son ami. Bulbule venait manger dans sa main et la nuit, quand l'empereur ne pouvait pas dormir, Bulbule chantait si bien que l'empereur oubliait tous les soucis de son métier. Mais un jour, son ministre lui dit « Je connais un rossignol qui chante aussi le jour et qui a un bien beau plumage. » Et il apporta à l'empereur un oiseau peint de brillantes couleurs et que l'on remontait avec une clé pour le faire chanter. Et l'empereur trouva le nouveau rossignol si joli et il écoutait si souvent sa chanson qu'il oublia son Bulbule. Et Bulbule serait mort de faim si la petite fille de la cuisinière ne l'avait adopté. Mais à force de remonter le rossignol mécanique, la clé cassa et l'oiseau cessa de chanter. Personne ne put le raccommoder et l'empereur devint si triste qu'il tomba gravement malade. Mais une nuit qu'il était près de mourir, il entendit soudain à côté de son lit une voix si mélodieuse qu'il se sentit revenir à la vie. Eh bien, c'était Bulbule qui chantait. Et Bulbule chanta jusqu'à ce que l'empereur fût complètement guéri. « Oh, Bulbule, » dit l'empereur, « ton plumage est moins joli et tu ne chantes pas tout le temps comme l'autre, mais tu es un ami et tu viens quand on a besoin de toi. » Et l'empereur, reconnaissant, commanda pour Bulbule une cage d'or et une petite couronne de diamants. S comme sapin. Il y avait un petit sapin qui rêvait d'être mât de navire afin de voyager et de voir le monde. Quand il fut grand, on l'abattit, on le dépouilla de son écorce et il devint, selon son vœu, un grand mât sur une frégate. mais il s'ennuyait à cause de la longueur et de la monotonie des traversées. « Ah, disait-il, comme il faisait bon dans ma forêt natale. J'avais de la mousse à mes pieds et quelquefois des nids dans mes branches. Et les petits enfants ramassaient mes aiguilles. Et souvent, ils dansaient des rondes en chantant autour de mon tronc. Et maintenant, je suis tout sec, tout nu et tout seul. Ah, si j'avais su, si seulement j'avais pu être mât de cocagne !» Et il soupira si fort que tous les cordages en craquèrent. Mais à ce moment, un vol d'hirondelles passa au-dessus de la mer. Elles venaient des pays du Nord et s'en allaient en Égypte. Elles descendirent sur le navire et se posèrent sur le mât, qu'elles couvrirent presque entièrement de leurs ailes. Le mât entendit même leur petit cœur battre, et leurs plumes qui le frôlaient faisaient comme un bruissement de feuilles. Il écoutait ce qu'elles disaient entre elles. Elles parlaient justement de son pays, d'où elles venaient. Et le pauvre sapin se sentit si heureux qu'il s'endormit en se figurant qu'on l'avait ramené dans sa forêt. T comme tortue. Jean, Pierre et Paul étaient allés aux courses avec leurs parents. Ils avaient vu courir des chevaux et cela les avait beaucoup amusés. Rentré à la maison, Jean dit à ses frères : « Si nous faisions courir, nous aussi ? » ?»« Nous n'avons pas de chevaux, » répondit Pierre. Ben, qu'est-ce que cela fait? Nous avons chacun une tortue, et des tortues peuvent tout aussi bien courir que des chevaux. Bon, plus lentement, voilà tout. » Chaque enfant alla donc chercher sa tortue. Puis ils choisirent trois beaux escargots qui seraient alors les jockeys. Jean apporta sa boîte à couleurs, et il peignit à chaque escargot une casaque différente, une jaune, une rouge et une verte. Il voulut aussi leur fabriquer des casquettes, mais les escargots dirent « Ah non merci !» et rentrèrent leurs cornes. Les trois enfants préparèrent une piste dans le jardin avec des poteaux au bout et une tribune avec des roses et des œillets qui figuraient les dames élégantes. Puis ils alignèrent leurs trois tortues montées par les trois escargots et Jean donna le signal du départ. Mais hélas, aucune des tortues ne bougea. Alors Pierre courut chercher son tambour. Et Paul chatouilla la queue des tortues avec des brindilles. Bon, les tortues se décidèrent enfin à partir. Mais au lieu d'aller droit devant elles, elles allèrent à droite ou à gauche, et la tortue de Paul revint même en arrière. Alors Jean eut une idée. Si nous mettions des salades au lieu des poteaux? Et vite, au bout de la piste, les enfants plantèrent trois belles salades. Quand les tortues virent cette appétissante verdure, elles se mirent en marche toutes seules. Et celle de Jean avança si rapidement que son jockey, enfin je veux dire son escargot, roula à terre. Elle arriva la première au but. Et pour sa récompense, on lui donna à manger les poteaux, enfin je veux dire les salades, et même les roses et les œillets de la tribune qui figuraient les dames élégantes. U comme univers. C'est un bien grand mot et une bien grande chose aussi, car cela veut dire le monde entier. Mais cela peut signifier aussi l'endroit où l'on vit, où l'on a ses habitudes et où l'on est heureux. Ainsi, la salle à manger est l'univers de la mouche. L'étang est l'univers du poisson. La prairie est l'univers de la vache. Et la forêt est l'univers du sapin. Le village ou la ville est votre univers à vous, mes enfants. Et quand vous serez grands, ce sera la France entière, avec ses mers, ses îles, ses colonies, et tout ce que vous saurez voir, et tout ce que vous saurez comprendre. V comme violette. Vous savez, mes enfants, que les violettes sont l'emblème de la modestie, car elles poussent dans les bois obscurs, à l'ombre d'autres plantes. Et même, elles cachent leur visage délicat derrière leurs grandes feuilles vertes, comme font les jeunes filles timides, derrière leur éventail. Or, un jour, un poète se promena dans une forêt où il y avait beaucoup de violettes qui embaumaient l'air délicieusement. Grisé par ce parfum, il fit des vers en l'honneur de l'humble fleur des bois et il les récita tout haut. À ses pieds, une violette l'entendit. Elle crut qu'il ne parlait que pour elle, et de se savoir ainsi chanter par un poète, cela lui fit oublier toute modestie. Elle allongea son cou derrière ses feuilles, tourna vaniteusement sa tête à gauche et à droite et se mira avec complaisance dans une grosse goutte de rosée qui était restée pendue à un brin d'herbe. « Ah, disait-elle, que je suis jolie et que je sens bon. Je dois être plus jolie que les autres fleurs, et mon parfum doit être plus agréable que tous les autres parfums de la forêt, puisque c'est sur moi seule que le poète a fait des vers. » Mais à ce moment passa la vieille fée des bois, qui est la surveillante des fleurs. Avec sa baguette, elle donna une tape sur la joue de la violette. « Petite impudente, dit-elle, allez rentrer sous votre feuille. » Et pour vous punir de votre vanité, eh bien je vous enlève votre parfum. » Violette fut désolée. Elle pleura tant qu'une jeune fée qui venait en promenade de ce côté eut pitié d'elle. « Pauvre petite, dit-elle, je ne peux plus te rendre ton parfum. Mais puisque tu as tant de chagrin, je fais de tes larmes des pétales plus clairs, des pétales mauves, et du moins, si tu n'es pas odorante, tu seras plus jolie. » Et ayant dit cela, la fée changea la violette des bois en une violette de Parme. Et voilà pourquoi les violettes de Parme n'ont pas de parfum. X comme Xavier. Le petit Xavier dit à ses petits camarades Maurice et Jean : « Allez, jouons, je serai le cocher. Maurice sera le cheval et Jean sera le chien qui aboie après la voiture. » Bon, Maurice fit très bien le cheval. Il hennissait, levait les pieds très haut et paraissait s'amuser beaucoup. Alors Xavier dit « Je voudrais être le cheval. »« Bon, comme tu voudras, dit le petit Maurice. » Le petit Jean, qui faisait toujours le chien, aboyait de toutes ses forces, courait à droite et à gauche, mais semblait très content. Alors Xavier dit « Je voudrais être le chien. » Mais sa mère, qui regardait jouer les trois enfants, dit à Xavier « Je crois bien que tu voudrais être à la fois le cocher, le cheval et le chien. » Oh oui, dit Xavier, mais on ne peut pas être tout. Il faut toujours choisir. Oh, mais que c'est ennuyeux. Y comme Yvonne. Yvonne était une petite fille qui ne pouvait pas se tenir tranquille à table. Elle gigotait, elle se penchait à droite, à gauche, en avant, en arrière. Elle descendait de sa chaise pour jouer avec le chien Médor. Ou bien elle prenait la chatte Minouche sur ses genoux. Sa mère la grondait, son père la punissait, mais Yvonne ne se corrigeait pas. Un jour, c'était un dimanche, il y avait un très bon déjeuner, une crème au chocolat et beaucoup de gâteaux. Yvonne avait promis d'être sage parce qu'elle ne voulait pas être privée de dessert. Bon, au commencement, tout alla bien. Mais peu à peu, la petite fille fut reprise par sa mauvaise habitude. Elle se balança sur sa chaise, en avant, en arrière, tandis que le chien Médor et la chatte Minouche la regardaient avec un air de dire « Ah, prends garde, prends garde, nous connaissons quelqu'un qui va tomber. » Et en effet, tout à coup, elle perdit l'équilibre. Elle voulut se retenir à la table. Elle se cramponna à la nappe et patatras, tout se renversa sur elle et sur sa chaise, tout, les plats, les bouteilles, les verres, les fourchettes et la crème. Elle eut mal aux bras et aux jambes et on dut l'emporter dans son lit. Médor et Minouche se lamentèrent d'abord, puis ils se consolèrent en mangeant sous la table la crème et les gâteaux. Z comme zéro. Dans la vie, quand on est bon à rien, les autres vous appellent un zéro. Appliquez-vous donc à bien apprendre votre alphabet et à lire ses comptes, et je vous jure qu'on ne dira jamais de vous. La petite Marie ? Le petit Jean ? Oh, c'est un zéro !